الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الإمام الألباني رحمه الله rapporte un hadith dans sa silsila des hadiths authentiques. Ce hadith أخرجه الإمام أحمد من طريق مسلم ابن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant une personne qui était en prosternation, alors que lui allait pour prier. Ensuite, après avoir accompli sa prière, il est repassé devant cette personne qui était toujours en prosternation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, en s'adressant à ceux qui étaient autour de lui, « Man yaqtul hadha ?» Qui tue cette personne? Alors un de ses compagnons s'est levé et a dégainé son sabre tout en l'agitant et a dit: Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, comment je vais tuer un homme qui est en prosternation et qui témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad est son serviteur et son envoyé? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété une autre fois: Man yaqtul hadha? Qui tue cette personne? Alors une autre personne s'est levée et a fait la même chose, donc a dégainé son épée et a répété la même phrase que le premier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole: Walladhi nafsi biyadi, celui qui détient mon âme dans sa main, law qataltumuhu lakana awwala fitnatin wa akhiraha. Si vous l'aviez tué, cela aurait été la première fitna et la dernière. Ensuite, dans une autre version de ce hadith, qui lui est rapporté par Anas, où il est précisé que la première personne qui s'est levée à dégainer son épée, c'était Abu Bakr, et le deuxième, c'était Omar, radiallahu ta'ala anhuma. Et la suite est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui parmi vous se lève et le tue? Alors Ali, il a dit: Ana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Anta lahu in adraktahu. Toi, mais si tu arrives à l'atteindre. Alors Ali est parti pour le trouver, faraja'a. Et ensuite il est revenu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce que tu as tué cette personne-là? Et Ali lui a dit: Lam adri aina salaka min al-arb. Je ne sais pas où il est parti. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna hadha awwalu qarnin kharaja min ummati, law qataltahu ma ikhtalafa min ummati ithnain. Ceci est la première corne qui sort de ma communauté, yani la corne du diable. Law qataltahu, si tu l'avais tué, alors il n'y aurait pas eu de divergence dans ma communauté entre deux personnes. C'est-à-dire il n'y aurait pas eu de schisme et de division. Ensuite, dans une autre version, toujours rapportée par l'imam Ahmed, min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte donc pratiquement la même version du hadith précédent, mais en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décrire cette personne et ses compagnons. Inna hadha wa ashabahu yaqra'un al-Qur'an ila akhiri. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va décrire dans ce hadith comme il a décrit al-Khawarij, qui lisent le Qur'an mais ne comprennent pas son sens, et il va dire qu'ils sont les pires des créatures. Faqtuluhum hum sharrul bariyya. Tuez-les, ils sont les pires des créatures. Ce qu'on tire de cette histoire rapportée dans ce hadith, c'est qu'en apparence, Al-Khawarij, ils font apparaître qu'ils sont des gens pieux, des gens sur le droit chemin. Et la preuve, c'est que Omar et Abu Bakr, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: comment va-t-on tuer une personne qui prie et qui témoigne de la shahada? Et que lorsqu'ils sont passés devant lui, ils ont vu une personne qui priait, mutakhashi'an, qui priait en toute humilité et qui avait une longue adoration, une adoration intense. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti prier, il l'a vu en soujoud, et lorsqu'il est revenu de sa prière, il était encore en soujoud. Également, dans ce hadith, il apparaît qu'à travers les khawarij, la première grande fitna du diable est apparue dans cette communauté. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est la première corne qui apparaît, yani la corne du diable, Wallah al-musta'an, et qu'également ils sont à la base de la fitna, de la division, du schisme qui est apparu dans cette communauté. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cette personne avait été tuée, alors il n'y aurait pas eu de schisme dans la religion. C'est-à-dire cette fitna qui aurait apparu, donc la fitna de tuer cette personne aurait été la première et la dernière. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَحْفَظَنَا مِنْ فِتْنَةِ الْخَوَارِجِ وَمَنْ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ وَأَخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ